Genèse chapitre 47. Joseph donc vint, et fit entendre à Pharaon, en disant, « Mon père et mes frères, avec leurs troupeaux et leurs bœufs, et tout ce qui est à eux, sont venus du pays de Chanaan, et voici, ils sont en la contrée de Gossan. » Et il prit une partie de ses frères, savoir, 5, et il les présenta à Pharaon. Et Pharaon dit aux frères de Joseph, « Quel est votre métier ?» Ils répondirent à Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers, comme l'ont été nos pères. » Ils dirent aussi à Pharaon, « Nous sommes venus demeurer comme étrangers en ce pays, parce qu'il n'y a point de pâture pour les troupeaux de tes serviteurs, et qu'il y a une grande famine au pays de Chanaan. Maintenant donc, nous te prions que tes serviteurs demeurent en la contrée de Gossan. » Et Pharaon parla à Joseph, en disant, « Ton père et tes frères sont venus vers toi. Le pays d'Égypte est à ta disposition, fais habiter ton père et tes frères dans le meilleur endroit du pays, qu'ils demeurent dans la terre de Gossan, et si tu connais qu'il y ait parmi eux des hommes habiles, tu les établiras gouverneurs sur tous mes troupeaux. » Alors Joseph amena Jacob, son père, et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Et Pharaon dit à Jacob, « Quel âge as-tu ? » Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mes pèlerinages sont 130 ans, les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais, et n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères, du temps de leur pèlerinage. » Jacob donc bénit Pharaon, et sortit de devant lui. Et Joseph assigna une demeure à son père et à ses frères, et leur donna une possession au pays d'Égypte, au meilleur endroit du pays, en la contrée de Ramesset, comme Pharaon l'avait ordonné. Et Joseph entretint de pain son père et ses frères, et toute la maison de son père, selon le nombre de leurs familles. Or il n'y avait point de pain en toute la terre, car la famine était très grande, et le pays d'Égypte, et le pays de Chanaan, ne savaient que faire à cause de la famine. Et Joseph amassa tout l'argent qui se trouva au pays d'Égypte et au pays de Chanaan, pour le blé qu'on achetait, et il porta l'argent à la maison de Pharaon. Et l'argent du pays d'Égypte, et du pays de Chanaan manqua, et tous les Égyptiens vinrent à Joseph, en disant, « Donne-nous du pain, et pourquoi mourions-nous devant tes yeux, parce que l'argent a manqué ?» Joseph répondit, « Donnez votre bétail, et je vous en donnerai pour votre bétail, puisque l'argent a manqué. » Alors ils amenèrent à Joseph leur bétail, et Joseph leur donna du pain, pour des chevaux, pour des troupeaux de brebis, pour des troupeaux de bœufs, et pour des ânes, ainsi il les sustenta de pain, cette année-là pour tous leurs troupeaux. Cette année étant finie, ils revinrent à lui l'année suivante, et lui dirent, « Nous ne cacherons point à mon seigneur que, l'argent étant fini, et les troupeaux de bêtes ayant été amenés à mon seigneur, il ne nous reste plus rien devant mon seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous devant tes yeux ? Achète-nous et nos terres, où est nos terres, pour du pain, et nous serons esclaves de Pharaon, et nos terres seront à lui. Donne-nous aussi de quoi semer, afin que nous vivions et ne mourions point, et que la terre ne soit point désolée. » Ainsi Joseph acquit à Pharaon toutes les terres d'Égypte, car les Égyptiens vendirent chacun son champ, parce que la famine s'était augmentée, et la terre fut à Pharaon. Et il fit passer le peuple dans les villes, depuis un bout des confins de l'Égypte, jusqu'à son autre bout. Seulement il n'acquit point les terres des sacrificateurs, parce qu'il y avait une portion assignée pour les sacrificateurs, par l'ordre de Pharaon, et ils mangeaient la portion que Pharaon leur avait donnée, c'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Et Joseph dit au peuple, « Voici, je vous ai acquis aujourd'hui, vous et vos terres, à Pharaon, voilà de la semence pour semer la terre, et quand le temps de la récolte viendra, vous en donnerez la cinquième partie à Pharaon, et les quatre autres seront à vous, pour semer les champs, et pour votre nourriture, et pour celle de ceux qui sont dans vos maisons, et pour la nourriture de vos petits-enfants. » Et ils dirent, « Tu nous as sauvé la vie, que nous trouvions grâce devant les yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. » Et Joseph en fit une loi, qui dure jusqu'à ce jour, à l'égard des terres de l'Égypte, de payer à Pharaon un cinquième du revenu. Les terres seules des sacrificateurs ne furent point à Pharaon. Or Israël habita au pays d'Égypte, en la contrée de Gossan, Et ils en jouirent, et s'accrurent, et multiplièrent extrêmement. Et Jacob vécut au pays d'Égypte 17 ans, et les années de la vie de Jacob furent 147 ans. Or le temps de la mort d'Israël approchant, il appela Joseph, son fils, et lui dit, « Je te prie, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, mets présentement ta main sous ma cuisse, et jure-moi que tu useras envers moi de gratuité et de vérité, je te prie, ne m'enterre point en Égypte, mais que je dorme avec mes pères. Et si tu me transporteras donc d'Égypte, et m'enterreras dans leur sépulcre. » Et il répondit, « Je le ferai selon ta parole. » Et Jacob lui dit, « Jure-le-moi. » Et il le lui jura. Et Israël se prosterna sur le chevet du lit.